le caressait à rebours. Mon amour, posant une main de velours, sans détour, je sortais mon trombone, à grimace ou bien à faune, pour que ces très gros mots deviennent des très mollons. Et je l'assommais de discours, mon amour, en contemplant comme un tambour, nuit et jour. Je prenais des airs de nonne, ou chantais des tétéums, pour qu'il désamidonne, et que Dieu m'en. Sur toutes les orgies de Rome.